Section 81 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Lecture, tome 6e. Section 81. Croquis de décembre par Gustave Geffroy. Chapitre 1. La tombée des feuilles. C'est un des événements graves de l'année que la chute des feuilles. Même les distraits et les préoccupés s'aperçoivent que les arbres se dégarnissent, que les verdures jonchent le sol. Subitement, en quelques jours, le décor a changé d'aspect. Il y avait eu déjà de lentes métamorphoses. Il n'y a pas d'arrêt dans les activités recommençantes de la nature. Au cours des chauds étés, et même aux jours des tièdes et prometteurs printemps, il arrive aux feuilles de tomber des arbres. Une brise qui souffle de travers en rebrousse les branches, une grêle capricieuse, une pluie battante, une journée fulgurante de soleil, une nuit illuminée d'éclairs et retentissante de coups de foudre, casse des brindilles, arrache des feuilles. En même temps que l'arbre pousse et s'épanouit, il s'affaiblit et se dépouille. Quand septembre et octobre surviennent, il y a déjà bien des trous dans les frondaisons, bien des clartés de ciel au plafond de feuillage. Le spectacle de la campagne à l'automne est mystérieux, maladif et mélancolique. L'œil ne peut plus trouver à se réjouir des pousses vertes et drues, si jeunes et si sûres du lendemain. Une beauté nouvelle s'affirme pourtant dans le paysage. La beauté qui va finir, soucieuse et douce, celle qui parle de regrets superflus et de grâces expirantes. C'est avec toutes les couleurs et toutes les nuances que la nature donne l'idée de cette tranquille agonie, de cette souffrante sérénité. Elle resplendit de ses derniers feux, elle s'enorgueillit de sa vie qui va décliner, comme la touchante créature qui voit s'argenter ses tempes et se dessiner finement sur son front les rides de son automne de femme. Un flot de sang vient colorer les visages pâlis. La pourpre violente monte aux feuilles. Ni la femme, ni la nature n'ont besoin de fard et d'enluminure. Le flux de la vie s'épand et se répartit, prend une forme d'équilibre et de majesté, arbore une expression dernière de jeunesse triomphante qui veut orgueilleusement mourir. La femme qui se promène pendant la douloureuse arrière-saison marche avec lenteur, s'arrête comme une convalescente, laisse errer sur toute chose un regard de regret et de désabusement. Elle est avertie impitoyablement que sa beauté change et que sa jeunesse se fane. Tout ce qui l'entoure lui semble en rapport avec ses mains alanguies, son corps las, ses yeux pensifs, sa chevelure où vont tout à l'heure neiger les années. Et surtout avec ses pensées qui s'en retournent en arrière avec désespoir et qui s'en vont en avant avec effroi. Toutes ces feuilles qui s'amoncellent, ce sont les jours maintenant révolus. À quoi bon fouiller dans toute cette végétation morte pour y trouver peut-être une fleur dernière? À quoi bon trop songer à ce qui a été, à tout ce qui aurait pu être, pour n'évoquer que des souvenirs défleuris? Tout est fini. Mais qu'importe, la minute présente de la vie est à la fois si fugitive, si douce et si désirable qu'il vaut mieux se hâter de la vivre plutôt que de s'anéantir dans le néant d'hier et de demain. La promeneuse solitaire marche maintenant plus vite dans le sentier du bois. Les sentiments, encore allumés et flambants dans son cœur, sont à l'unisson de l'astre sanglant qui va disparaître et qui incendie la futaie. Elle resplendit mélancoliquement de la vie intérieure qui brûle en son âme, et son visage délicat est embrasé et doré par l'agonie du soleil. Le rouge est varié à l'infini. Il est violent et noir comme le sang qui coule d'une blessure. Il est clair et incandescent comme les nuées qui brûlent à l'horizon à l'heure du couchant. Il est rose comme les braises d'un foyer qui ne flambent plus. Les feuilles jaunes alternent avec les feuilles rouges, s'écroulent en amas de richesses, scintillent, isolées, comme de minces lamelles d'or. D'autres noircissent, deviennent d'une rigidité de bronze opiniâtrement patinée. Nulle trace de vert. Seuls les arbres du nord, aux ramilles régulières, gardent leur immuable feuillage en décor de cimetière. Et ce sont eux qui sont les plus significatifs d'hiver et de froidure, dans ce changement d'aspect de toutes choses. Eux qui évoquent le plus inexorablement les futurs paysages de glace et de neige. Tout le reste change graduellement, se décompose avec lenteur, comme des étoffes qui se fanent et des métaux qui se verdent grises. Pendant longtemps encore, les cimes recevront comme une caresse les dernières lueurs de la lumière qui disparaît derrière les coteaux, les hauts peupliers resplendiront en or pâle sur le ciel embrumé. 2 jours de vents et de pluie auront raison de ces vestiges des beaux mois passés. Les feuilles tomberont par centaines, par milliers, sans arrêt, avec un murmure égal, un murmure qui est une des voix du silence. Les branches casseront, tomberont à plus grand bruit, avec un fracas de trouées. L'eau des averses pourrira ce qui aura résisté. Il viendra peut-être encore un beau jour, mais il n'éclairera plus que les rares feuilles, plus vigoureuses, qui seront restées tenacement à la toute extrémité des branches où aboutit la sève. Et celles-là s'en iront aussi, sans secousse. Elles tomberont aussi, toutes droites, comme les autres, sur les autres. L'œil en suivra seulement quelques-unes, qui erreront longtemps, portées par l'air, comme des papillons de soufre qui planeraient les ailes immobiles. Dans les villes, la besogne est faite. Les balais ont poussé les feuilles mortes. Les pelles les ont jetées aux tombereaux. La feuillée d'automne ne subsiste maintenant qu'au creux des vallons bien abrités, au centre des forêts épaisses. Demain, il ne restera plus rien. Les rameaux seront salis d'humidité ou rouillés de mousse. Les errants qui sortiront de la zone urbaine et qui s'en iront marcher par les routes et les allées des bois pousseront devant eux les feuilles sèches qui leur monteront jusqu'à mi-jambe. Un bruissement sonore, comme un déferlis de vagues, leur montera aux oreilles. Il n'est pas de musique plus éloquente et plus symbolique. Feuilles sèches que nous foulons aux pieds, plus qu'aucune chose vous nous parlez du passé. Nous ne pouvons jamais atteindre à des printemps nouveaux qu'à travers des hivers. Avec les premiers bourgeons, notre esprit qui devance le temps si court voit poindre l'automne. Nos souvenirs jonchent le sol, et quand nous voulons revivre les jours anciens, arrêter les jours qui fuient, c'est comme si nous voulions remettre aux arbres les feuilles desséchées, bruissantes et mortes. Fin de la section 81.